aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de l'invraisemblable découverte de plusieurs romans inédits signés Louis-Ferdinand Céline soi-même. 60 ans après la mort de l'auteur de Voyage au bout de la nuit, des manuscrits mystérieusement disparus dans la confusion de la fin de la guerre refont surface. Reconnaissable aux pinces à linge avec lesquelles l'écrivain aimait faire sécher ses pages, sur une modeste corde, ces 6000 feuillets représentent une découverte sans équivalent dans l'histoire littéraire. Pensez donc, un roman de 600 pages, Casse-pipe, qui vient enfin compléter la trilogie initialement composée de Voyage au bout de la nuit et de Mort à crédit, deux romans qui ont fait la gloire de Céline. À quoi il faut ajouter des lettres de l'écrivain et bien d'autres textes encore. Depuis le mois d'août dernier et l'annonce de cette découverte, les Céliniens et le monde de l'édition français sont en émoi. Mais au-delà du contenu même de ces feuillets, c'est leur trajectoire qui donne à l'affaire toute sa couleur. Un trésor de papier d'une valeur estimée à plusieurs millions d'euros qui génère un scénario riche en rebondissements. Notre invité aujourd'hui, Émile Bramy, auteur de plusieurs essais sur Céline, fondateur à Paris d'une librairie de référence sur l'œuvre de l'écrivain, d'un livre l'autre. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Isabelle Maillot, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay et Charles de Cilia. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. En août dernier, dans une enquête de 3 pages, le journal Le Monde révèle une histoire des plus rocambolesques. 6000 feuillets de la main de Céline, oui, de sa main, ont refait surface dans des circonstances dignes d'un polar. Et pas n'importe quel feuillet, ni des brouillons, ni des ébauches, non. Des romans entiers, pour certains totalement inédits, écrits dans les mêmes années que l'œuvre la plus célèbre de Céline, Voyage au bout de la nuit. L'écrivain s'était souvent plaint qu'on lui avait volé des manuscrits à la fin de la guerre dans son appartement de Montmartre, mais peu accordé du crédit à la complainte du clochard de Meudon, comme on l'appelait. Et pourtant, et n'en déplaise aux sceptiques briseurs de rêves, les manuscrits qu'on a retrouvés grâce à un ancien critique de théâtre à Libération, Jean-Pierre Thibaudat, nous reviendrons sur lui, sont exactement ceux dont Céline déplorait la perte. Sa veuve, Lucette des Touches, prophétisait pour sa part qu'il se passerait des choses après sa mort, finalement survenue en novembre 2019. Et ce fut le cas, comme le rapporte France Info. La question c'est où étaient ces textes pendant toutes ces années? Alors je vais tenter de faire court parce que c'est long et compliqué Marc, mais nous sommes vraiment dans un polar. En 1944, Louis-Ferdinand Céline, antisémite notoire, sans le vent tourner, il quitte la France. Son appartement de Montmartre est alors visité par les résistants, ses manuscrits disparaissent. Qui les a volés? Impossible, même à ce jour, de le savoir. Les principaux soupçons désignent un certain Oscar Rosambly, résistant de la dernière heure. Et ses manuscrits refont surface en 2020 seulement, soit près de 80 ans plus tard. S'il subsiste encore pas mal de zones d'ombre dans la trajectoire de ces manuscrits volés, ce qui apparaît avec clarté, en revanche, c'est le motif très politique pour lequel ces manuscrits ne sont pas réapparus plus tôt. Jean-Pierre Thibaudat, l'ancien journaliste de Libé, qui en est devenu comme il le dit lui-même, le dépositaire accidentel au début des années 2000, refuse de donner l'identité de la famille qui lui a remis cet encombrant héritage. Mais il a révélé depuis l'obligation à laquelle il était tenu, une condition sine qua non même. Interdiction de rendre publique l'existence des manuscrits avant le décès de Lucette des Touches, la veuve de Céline, afin que celle-ci ne puisse pas bénéficier de retombées financières de cette manne littéraire. Céline, en effet, a été pendant la guerre un prophète de l'antisémitisme, un dénonciateur. Puis, à son retour d'exil en France, un négationniste, peu enclin au remords. Et sa femme, Lucette, l'a toujours soutenu. À l'inverse, ceux qui se sont retrouvés en possession de ce trésor sont issus, eux, comme Thibaudat, de familles de résistants. Alors il était pour eux impensable de contribuer à enrichir cette veuve aux positions politiques troubles. La longévité de Lucette des Touches, morte à 107 ans, en 2019 donc, a retardé d'autant la découverte historique de tous ces inédits de Céline qui dormaient dans le noir. En juillet 2019, le spécialiste de Céline, David Alliot, décrivait sur France Culture le fameux appartement Montmartre 3 de la rue Girardon où Céline a vécu pendant l'occupation et où ses manuscrits ont disparu. Au printemps 1941, après l'exode, après la débâcle de juin 40, Céline donc remonte à Paris. Et après être retournée vivre quelques temps chez sa mère, il a eu vent d'un appartement qui se libérait à Montmartre, rue Girardon, au cinquième étage d'un bel immeuble qui offrait en plus l'immense avantage de retrouver le Montmartre de Voyage au bout de la nuit. Puisqu'effectivement, la rue Girardon est juste en face de la rue Le Pic et juste en face du Moulin de la Galette. Donc Céline est de retour avec les copains pendant les années d'occupation. Le 17 juin 1944, Céline quitte Paris avec sa femme Lucette. Ils ont l'intention de se réfugier au Danemark, mais pensent revenir à Montmartre bientôt et retrouver intact l'appartement de la rue Girardon. Derrière eux, ils laissent une importante pile de manuscrits en haut d'une armoire. Ce trésor de papier, qui comporte plusieurs textes pas encore publiés de l'écrivain, est trop lourd pour faire le voyage. La débâcle, plutôt de dire, qui va durer 7 ans pour le couple. Tous deux savent bien en revanche qu'il est grand temps de partir. A raison. Céline se sent menacée. Depuis quelque temps, il reçoit dans sa boîte aux lettres des petits cercueils, des menaces explicites qui émanent des cercles résistants qui sentent la victoire arriver et qui, légitimement, commencent à savourer l'utilité de leur courageux engagement. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Bientôt, Paris sera libéré, c'est une question de semaine. S'il traîne trop, Céline sait qu'il risque sa peau. Il revient sur ce départ précipité dans un entretien datant de 1957 et diffusé sur France Culture en 2011. À Paris, on ne demandait qu'à m'assassiner. J'aurais même pas vu la cour de justice, moi. J'étais assassiné soit l'Institut Nanterre, soit la Villa Saïd. Tout était prêt. Je me suis sauvé, esquivé, parce que je ne voulais pas être assassiné, ni moi, ni ma femme. On m'a tout volé. Bon, c'est entendu, c'est une petite misère. On m'a tout pris, oui. On m'a foutu en prison là-bas au Danemark. J'ai fait 2 ans de réclusion. Bien, tout ça, c'est banal. Pendant l'occupation, tandis que dans les cabarets restés ouverts de Montmartre, les touristes allemands viennent profiter des charmes du gros Paris, Céline lui est passée du statut d'écrivain célèbre à celui de grand prophète de l'antisémitisme. Un guide idéologique que le tout Paris collaborationniste s'arrache et vénère. Celui qui se décrit dans sa correspondance à Brasillac, collaboratoire, comme raciste et hitlérien, n'est pas seulement un auteur de pamphlets de lettres ouvertes antisémites, non. Il fréquente de hauts responsables, SS, l'ambassadeur allemand, son conseiller pour la culture. Il se rend régulièrement à avenue Foch, où siège la police allemande, laissant planer le doute sur son éventuel rôle d'agent secret de la Gestapo. Il pratique les dénonciations publiques qui visent des juifs et des communistes, et même un médecin-chef haïtien, dont il convoite le poste. Attention au départ, assurez-vous que votre portière est bien fermée. Comme les rats quittent le navire, Louis Ferdinand et Lucette s'enfuient vers la gare de l'Est, direction Baden-Baden, avec le chat Bébert dans une besace et de faux papiers au nom de Louis-François Delétang et Lucille Algante. Tout se déchire, écrira-t-il plus tard dans ses carnets de prison. Tout soudain tourne contre moi. Oulard de miser sur le mauvais cheval, d'aller à l'encontre du vent de l'histoire. L'historienne Anne Simonin revient justement sur ce moment charnière de la vie de Céline sur France Culture. Le 17 juin 1944, Céline quitte Paris pour Baden-Baden et quitte Paris parce qu'il se sent extrêmement menacé. Et il l'a toujours dit, et je pense que là, d'un point de vue historique, il a assez raison. C'est-à-dire qu'il serait resté à Montmartre, ça ne pouvait pas bien se passer. Parce qu'il faut bien voir qu'il a été un des grands intellectuels de l'occupation. Et puis Céline est quand même le patron des lettres françaises. Enfin, c'est un écrivain extrêmement connu pendant la guerre qui va se mettre au service de l'occupant. Donc il part le 17 juin 1944, il reviendra en France en juillet 1951. Donc, c'est-à-dire qu'il va partir pour un moment, même s'il pense que les choses... il ne peut pas imaginer ce qu'il va vivre et qu'il a décrit en surajoutant tout le temps. Mais il est clair que ça veut dire quand même, en gros, 7 ans d'absence, et 7 ans d'absence qui ne vont pas être faciles et qui vont modifier totalement son statut d'écrivain dans la société française quand il va rentrer en 1951. On serait resté rue Girardon, on aurait eu tout de suite notre compte. La corrida, fignolée, écorchée vif, écrit Céline Rigaudon, au cas où on plaindrait. Il est vrai que pour lui, le vent tourne dangereusement. Du 19 au 25 août, Paris est libéré. De Gaulle prononce sa célèbre allocution en mode anaphore. Sur la butte Montmartre, la résistance organise. La brasserie Junot devient le quartier général des forces françaises de l'intérieur. Et depuis le 26 juin 44, une ordonnance prise par le gouvernement provisoire sur les délits de collaboration rend possible ce qu'on appelle l'épuration. Et on s'en donne à cœur joie. Les résistants font défiler tous ceux qu'on soupçonne d'avoir collaboré avec l'ennemi, ceux qui constituent vite de gros bataillons, et perquisitionnent leurs appartements selon un mode opératoire qui ne s'encombre pas de principes. Dans la confusion générale, certains se spécialisent dans les visites d'appartements de personnalités en fuite. C'est le cas chez le dessinateur d'extrême droite, Ralph Soupeau, par exemple. Entre-temps, Céline a rejoint Sigmaringen, où Pétain vit entouré de ses derniers fidèles, comme ça c'est clair. L'écrivain étant l'un des plus célèbres fuyards, l'appartement de la rue Girardon à Paris est évidemment en haut de la pile. C'est l'un des premiers appartements à visiter. Mais que se passe-t-il exactement en cette fin de mois d'août 44? Qui des résistants montmartrois grimpe jusqu'au cinquième étage, à deux pas du moulin de la Galette, et emporte les précieux manuscrits laissés sur l'armoire? Toujours est-il que Céline ne les a jamais retrouvés de son vivant, et comme il savait si bien le faire, il n'a cessé de crier à l'injustice jusqu'à ses derniers jours. Dans D'un château l'autre, il écrit: on m'a tout volé à Montmartre, tout. Rue Girardon, je le répète, je le répéterai jamais assez. On fait semblant de ne pas m'entendre, juste les choses qu'il faut entendre. Je mets pourtant les points sur les i. Tout. Des gens, libérateurs, vengeurs, sont entrés chez moi par effraction et ils ont tout emmené, aux puces, tout fourgué. J'exagère pas, j'ai les preuves, les témoins, les noms. Tous mes livres et tous mes instruments, mes meubles et mes manuscrits. Tout le bazar, j'ai rien retrouvé. Pas un mouchoir, pas une chaise, vendu. Même les murs, le logement, tout, soldé. Il y a donc tout juste 2 ans que les manuscrits disparus ont entamé leur lente remontée vers la surface. Le 8 novembre 2019, Lucette Destouches, la veuve de Céline, meurt à l'âge canonique de 107 ans, à Meudon, dans le pavillon délabré de la route des gardes, où elle a vécu avec l'écrivain depuis leur retour du Danemark. Sa disparition marque la fin de la légende de Meudon. Céline écrivant dans le garage sur une toile cirée à carreaux blancs et rouges, Céline faisant sécher ses pages sur une corde à linge, Céline vêtue de haillons, babillant avec le perroquet Toto. Les Céliniens, qui croyaient leur maître quand il disait qu'on lui avait volé les manuscrits de romans inédits, avaient réussi à prendre contact avec les descendants de certains personnages connus des milieux résistants montmartrois. Mais en vain. Et pourtant, dans la coulisse, c'est le contraire qui se produit. 6 mois après le décès de Lucette Destouches, à l'issue du premier confinement de 2020, Jean-Pierre Thibaudat, un ancien critique de théâtre au journal Libération, prend contact avec l'avocat Emmanuel Pierrat. Dans un mail, il lui fait part d'une découverte incroyable dont il a connaissance et qui concerne un immense écrivain français. Thibaudat, qui est l'auteur de nombreux ouvrages sur le théâtre, n'a pas a priori le profil d'un affabulateur. Alors Pierrat accepte de le rencontrer. Quelque temps plus tard, il débarque avec 2 lourdes valises dans le bureau de l'avocat et lui raconte une histoire stupéfiante. Voilà 15 ans, en qualité de journaliste à Libération, il a été contacté par une personne se disant être en possession des manuscrits volés de Céline. Thibaudat a certes écrit une fois un article sur l'écrivain, mais le prétexte semble un peu ténu pour expliquer que ce soit lui le bénéficiaire de l'info. Et quelle info ? Le voilà désigné nouveau légataire officieux des manuscrits. Thibaudat est issu d'une famille de résistants, ce qui semblerait être également le cas des propriétaires des feuillets disparus. Ces derniers ne veulent pas d'argent, non. Mais ils imposent à Thibaudat une condition. attendre la mort de Lucette des Touches pour révéler au grand public l'existence des manuscrits. Pour des raisons idéologiques, il refuse en effet que cette femme, qui a toujours soutenu son mari, en dépit de ses positions antisémites, puis négationnistes, puisse toucher des droits d'auteur sur cette manne littéraire. L'avocat Emmanuel Pira revient sur les faits au micro de France Inter le 11 août dernier. Les gens qui lui remettent lui disent, voilà, on vous demande deux choses, de ne jamais révéler qui on est, secret des sources, vous êtes journaliste, vous pouvez vous engager. Il dit, je m'engage. Et on lui dit, par ailleurs, on a confiance en vous parce que vous n'êtes pas prêt, dans des collusions d'idées, d'être en empathie avec Céline Lhomme, mais on pense que vous aimez l'écrivain parce que vous avez écrit un article dans Libération sur l'Église, une pièce de théâtre de Céline, et donc visiblement vous aimez la littérature, etc. Et puis nous, on est incompétents pour s'en occuper. On a hérité ça en quelque sorte d'une histoire de famille. On est une nouvelle génération. Vous êtes issu d'une famille liée à la résistance. On a confiance en vous. Regardez tout ça. On pense que c'est très important. On l'a sauvegardé pour cela. Vous, vous pouvez vous en occuper, mais par pitié, attendez la mort de Lucette des Touches. Le 4 août dernier, le journal Le Monde, auquel Thibaudat a parlé en exclusivité, sort une enquête de 3 pages intitulée « Les trésors retrouvés de Louis-Ferdinand Céline ». Les Céliniens et le monde littéraire sont en émoi. Dans ces pages, Thibaudat revient sur les circonstances dans lesquelles il est entré en possession de ce trésor, tout en gardant le mystère sur certains aspects de l'affaire. Il travaillait encore à Libé à l'époque, journal qu'il a quitté en 2006. Mais il ne dit pas à quelle date exacte s'inscrit la rencontre avec sa mystérieuse source. Thibaudat assure simplement qu'il n'en a parlé à personne pendant toutes ces années. Si son tête-à-tête avec les manuscrits de Céline a duré si longtemps, c'est que personne ne pouvait deviner que Lucette des Touches allait vivre aussi longtemps. Enfin, tout de même, il y a quelque chose de tout à fait vertigineux à imaginer Thibaudat vivre pendant 15 ans avec ce qui constitue tout de même la plus grande découverte littéraire de l'histoire. 6000 feuillets en tout, 1 mètre cube de papier. Oui, il y a un grand manuscrit inédit, Londres, en 3 parties, qui traite du séjour de l'auteur dans la capitale britannique en 1915. 7 chapitres inédits de Voyage au bout de la nuit, réunis sous le titre La guerre, et une version complète de Casse-pipe, dont seules 600 pages avaient été publiées du vivant de Céline. On trouve enfin le manuscrit complet de Mort à crédit, et des lettres de Céline avec de Noël, justement, ou encore Brasillach, l'écrivain fasciste, fusillé en février 45. Le spécialiste de Céline, Émile Brami, réagit à la découverte des manuscrits le 11 août dernier sur France Inter. C'est de l'équivalent, c'est du niveau de Voyage au bout de la nuit et de Mort à crédit. Alors, je ne les ai malheureusement pas lus encore, mais si vous voulez, je me suis beaucoup intéressé essentiellement à Londres. Oui. Et Londres me paraît être un roman en soi. Et puis en plus, on peut le dater par l'écriture. C'est la première écriture de Céline, donc de mon point de vue, comme ça, très rapidement, il a été écrit soit pendant la rédaction de Voyage au bout de la nuit, soit juste avant la rédaction de Mort à crédit. C'est pas du tout, comme on pourrait penser, quelque chose qui a été écrit pendant la guerre comme Guignol's Bande. C'est vraiment une œuvre à part. Ah, et puis, le saviez-vous, Céline écrivait, bien sûr. Il chantait également. Pour preuve, cet extrait de la chanson intitulée « Règlement » écrite et interprétée par Céline lui-même. « Je te trouverai, charogne, un vilain souverain. Je te ferai dans les mires 2 grands trous noirs. Ton âme de vache dans la transe peut prendre à du chaud. Tu verras, c'est une belle assistance. Tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants. » Mais voici tantôt l'enfance et son petit Léo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte, car gaufre m'importe. Au malfrat tes crosses que le vent emporte. Feuille morte, souci. Depuis des pays que tu râles, que t'es cocu, que je suis ton voyou responsable, que t'en peux plus. Va pas le pays, l'occasion unique de respirer, Viens voir avec moi si ça pique aux grandes osselettes du Saint-Manté. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes osselettes du Saint-Manté. Mais vois si t'entends penser et son petit Léo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que l'œuf est ici? Au diable ta sorte, cardouf m'importe, au malfrat écrosse que le vent emporte, feuille morte, souci. C'est pas des nouvelles que t'en croques, que t'es pourri, que les bourmanies te suffoquent par ta bébé. C'est comme ça qu'a tombé Mimi dans le grand panier. Tu vas voir ce joli coup de fil que je vais tourner dans l'araignée. France Inter, Affaires sensibles. Céline Chanteur, vous venez de l'entendre, on a le droit de préférer écrivain. Mais reprenons notre histoire. Dès début septembre 1944, soit moins de trois mois après la fuite de Céline, le résistant Yvon Moranda, proche de Jean Moulin, réquisitionne l'appartement de la rue Girardon dans lequel il vit plusieurs années. En toute logique, depuis son exil danois, Céline, restée en contact par courrier avec des Montmartrois, le soupçonne d'être celui qui a fait disparaître les manuscrits imprudemment laissés sur l'armoire. À propos de son épurateur supposé, Céline écrit dans une lettre à un ami en 1947. Mon occupant, rue Girardon, m'a foutu à la poubelle la suite de Guignols et encore trois romans en train. C'est un dénommé Moranda, ou un ami de De Gaulle. Mais au retour de l'écrivain en France en 1951, Moranda le contacte pour lui signifier que ses meubles ont été entreposés dans un garde-meuble depuis la fin de la guerre, avec quelques manuscrits que le résistant a trouvés dans l'appartement. Céline, furieux, refuse pour les meubles et s'offusque que les manuscrits dont parle Moranda ne soient que des brouillons, des épreuves. Ce qu'il réclame à corps et à cri sont des versions abouties de trois de ses romans. Si Moranda est de bonne foi, ce qui semble être le cas, sinon pourquoi prendre contact avec Céline et essayer de lui restituer ses biens? Eh bien, ça signifie que le vol des manuscrits a eu lieu avant début septembre, date à laquelle Moranda s'installe rue Girardon. Alors, fin août, pendant les jours chaotiques de la libération de Paris, ou plutôt encore, juste après le départ de Céline en juin 44, une piste subodore qu'en juin 44 justement, un résistant qui vivait dans le même immeuble que Céline aurait procédé à une perquisition de son appartement juste après la fuite de l'écrivain vers Sigmaringen. La concierge aurait vu alors des feuilles pleuvoir par les fenêtres. Mais cette version n'est corroborée par aucun document. Pour les ayants droit de Céline, la source de Thibaudat n'a rien de mystère. Il s'agirait des descendants d'Oscar Rosambly, un personnage insaisissable qui semble s'être échappé d'un roman de Céline, justement. Suspecté dès 1949 par l'écrivain, la thèse de sa responsabilité met d'accord plusieurs spécialistes de Céline, parmi lesquels Émile Bramy ainsi qu'Henri Godard, l'éditeur pour la Pléiade. En 1944, ils ont été volés incontestablement par un faux résistant qui s'appelait M. Rosenbly, qui a été en prison d'ailleurs, non pas pour ce vol-là, mais pour deux vols semblables. Il faisait des perquisitions, soi-disant, pour la résistance. Et là, il savait qu'il allait trouver des choses, puisqu'il connaissait Céline, il avait été chez lui, donc il savait qu'il y avait des manuscrits. Ensuite, il meurt, c'est sa fille qui a les manuscrits. Des Céliniens, pas moi, ont eu contact avec elle, la dernière fois en 2017, et elle les avait encore. Des informations supplémentaires que vous venez d'entendre sont données par François Gibault, l'ayant droit de Céline. Des quelques suspects en lice, Oscar Rosambly est le seul à avoir fréquenté l'appartement de la rue Girardon du temps où Céline y habitait. En charge, un temps de la comptabilité de l'écrivain, son domicile, il a fait partie des forces françaises intérieures à la toute dernière heure. estampillé résistant donc, il pratique les perquisitions chez les collabos déserteurs avec un tel enthousiasme qu'il est arrêté le 5 septembre 44 et incarcéré à Fresnes pour agissement malhonnête, sans qu'on sache quelle est la nature des agissements en question. Mais bon, pour qu'un résistant soit emprisonné en 44, fallait-il qu'il ne soit pas allé avec le dos de la cuillère ? À sa sortie de prison, 6 mois plus tard, Rosenblit s'est fait oublier un temps en Californie où l'on dit qu'il a été un gourou New Age. De retour chez lui en Corse, à Poggiolo, il peaufine sa légende, adopte des comportements sociaux totalement décalés, voire déments. Il se serait lancé par exemple un temps dans le commerce de savon à l'huile d'olive. Depuis sa mort, en 1990, plusieurs Célignans ont retrouvé la piste de sa fille, Marie-Luce, et essayé de la rencontrer. En 2017, l'ayant droit de Céline, Véronique Chauvin, réussit à échanger par téléphone avec Marie-Luce, persuadée de tenir la bonne piste. La fille d'Oscar lui confirme avoir en sa possession des tas de choses de Céline. Mais une fois encore, les contacts s'arrêtent là. Coïncidence troublante, Marie-Luce Rosenblit s'éteint en novembre 2020, quelques mois seulement après que Jean-Pierre Thibaudat a débarqué avec 2 lourdes valises dans le bureau de l'avocat Emmanuel Pierra. On entend ici Henri Godard, l'éditeur de Céline, dans un entretien donné à l'AFP. On devait le retrouver. En un sens, cette découverte, elle est à la fois inattendue et attendue. Moi, il y a 20 ans, quand je faisais l'édition de la Pléiade, et j'interrogeais Madame Destouches, la veuve de Céline, et je lui posais, où sont les manuscrits ? Elle me disait, vous inquiétez pas, le jour où je mourrai, ces manuscrits reparaîtront. Et c'est exactement ce qui se produit. Le 11 juin 2020, quelques jours après la première rencontre entre Thibaudat et son avocat Emmanuel Pierra, une seconde rencontre a lieu dans le cabinet du conseil, boulevard Raspail, à Paris, cette fois en présence des 2 ayants droit de Céline. Il s'agit de Véronique Chauvin, 69 ans, dont Lucette Destouches était la prof de danse, et de François Gibault, un avocat de 89 ans, auteur d'une biographie de référence sur l'écrivain. Tous les deux sont abasourdis d'apprendre que les manuscrits qu'ils cherchaient depuis des décennies n'ont pas été perdus. Non, ils sont même parfaitement intacts. Mais la conversation tourne court quand les ayants droit comprennent ce que Thibaudat leur propose en échange des manuscrits, les donner à un centre d'archives afin qu'ils soient accessibles aux chercheurs. Madame Chauvin et Monsieur Gibault sortent furieux, estimant qu'il leur revient à eux et eux seuls de décider du sort des manuscrits. C'est ainsi qu'au début de cette année, l'affaire prend une tournure judiciaire. Les ayants droit mandatent un avocat, Jérémy Assous, et portent plainte contre Thibaudat pour recel de vol. En mars, le journaliste est convoqué à l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels à Nanterre. Quand les enquêteurs lui demandent comment il est entré en possession des manuscrits, il s'abrite derrière le secret des sources, bien qu'il n'ait jamais travaillé sur ce dossier en qualité de journaliste. Mais ultime coup de théâtre, pour convaincre de sa bonne foi, il est venu avec la totalité des documents. Il faut alors plus d'une heure à 5 policiers pour recompter les feuillets un à un. Et le compte est bon. Dans un entretien au journal Le Monde, Thibaudat affirme qu'il ne s'est jamais senti propriétaire des manuscrits, mais dépositaire accidentel, et qu'il n'a jamais eu l'intention de les vendre. Précision utile, puisque la valeur des manuscrits est estimée à plusieurs millions d'euros. Jérémy Assous, l'avocat des ayants droit, s'exprime ici au micro de France Info. Thibaudat est passé du statut de journaliste à celui de reseller. Il faut vraiment être un monstre, une montagne d'égoïsme pour s'accaparer ce droit et considérer que seul vous avez la possibilité de rendre public à un moment donné une œuvre dont vous n'avez pas hérité, que vous n'avez bien évidemment pas créée et que vous savez voler. Il a privé les ayants droit de 15 ans d'exploitation d'inédite Céline et ça se chiffre en millions d'euros. C'est lui qui va payer. Au printemps dernier, les documents remis par Thibaudat à la police sont expertisés par la directrice du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, Isabelle Le Manne de Chermont. Verdict, ils sont authentiques. Le procureur de la République ordonne alors qu'il soit remis aux ayants droit, bien que certains Céliniens s'inquiètent de voir de précieux feuillets disparaître, entendez par là les feuillets les plus compromettants. Le 19 juillet, Véronique Chauvin et François Gibault se rendent à leur tour à la police et en ressortent avec trois grands sacs remplis d'émouvants manuscrits qui ont survécu à un voyage clandestin à travers le XXe siècle. En août dernier, à leur propos, l'ayant droit, François Gibault déclarait. Quand on les a dans les mains, on a un peu Céline vivant. On a un peu Céline à côté de soi. Ce contact manuel avec des manuscrits cachés pendant 75 ans et avec lesquels Céline avait vécu, sur lesquels il avait travaillé, c'est très émouvant. Pour le moment, tout ce que les ayants droit ont affirmé, c'est leur intention de donner l'intégralité du manuscrit retrouvé de mort à crédit à la BNF sous forme de dation. Ce mode de paiement de l'impôt qui a permis à de nombreuses œuvres d'art moderne d'entrer dans des collections publiques et qui permettrait en l'occurrence aux ayants droit de Lucette Destouches de régler les frais de succession liés à cette énorme découverte. La BNF possède déjà le manuscrit de Voyage au bout de la nuit que l'État avait acheté en 2001 pour la coquette somme de 1 800 000 euros. Pour le reste des textes, eh bien, il semblerait que ce soit l'éditeur naturel de Céline, Gallimard, qui détienne les droits sur les inédits. D'ailleurs, Antoine Gallimard rêve une sortie de casse-pipe dès 2022 qui pourrait être accompagnée d'un opuscule critique. Le reste suivra, et notamment une nouvelle édition de la Pléiade. Bien. Mais le temps presse, car, rappelons-le, en 2031, l'œuvre de Céline tombera dans le domaine public. Postcards and letters, t-shirts and sweaters, passports and parkers. Mobiles and chargers, two tennis rackets, blue wristlet packets, a new sheepskin jacket. Just cannot see. just where do those lost things go when they slip from my hands? Then one night in a dream I passed through a sheepskin screen. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les manuscrits retrouvés de Céline. Bonjour Émile Brami. Bonjour. Vous êtes notre invité, vous êtes l'auteur de plusieurs essais sur Céline et fondateur d'une librairie de référence sur l'écrivain à Paris, qui s'appelle D'un livre l'autre. On peut dire que vous êtes vraiment un grand spécialiste de l'un de nos plus grands écrivains, dont la vie, évidemment, est en décalage avec avec l'admiration qu'on peut lui porter. On y reviendra. Alors, depuis août dernier, vous avez pu voir, consulter tout ou partie de ces manuscrits, enfin une partie, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Ben écoutez, c'est une sensation absolument extraordinaire, c'est-à-dire de se retrouver d'être parmi les premiers à voir des choses pendant lesquelles, moi, personnellement, j'ai couru pendant plus de 20 ans. Et certains de ces manuscrits sont très lisibles, c'est-à-dire que c'est la première écriture de Céline, qui est une petite écriture parfaitement facile à déchiffrer, contrairement à ce que sera la suite. Moi, j'ai cherché pendant des années deux livres, Le roi Krogold et Ce qui nous manquait de Casse-pipe, et de se retrouver devant ces manuscrits qu'on a cherchés si longtemps, c'est une sensation absolument extraordinaire. Et c'est ce que disait François Gibault, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être... Qu'il est vivant. Oui, de se retrouver très proche de cet écrivain-là, quoi. Et moi, j'ai essentiellement regardé, parce qu'il y en avait tellement que c'était impossible, j'ai essentiellement regardé Londres, parce que c'est le manuscrit complet d'un texte absolument inconnu, et je me demande... Qui date de 1915, il raconte son séjour en 1915, c'est ça ? Il raconte son séjour à Londres en 1915, et on pourrait penser que c'est quelque chose qui est un brouillon de Guinness Band qui va paraître en 1944. En réalité, pas du tout. On sait par des lettres que Céline avait écrit une partie de son passage à Londres, mais qu'il ne l'avait pas intégré à Voyage au bout de la nuit parce que le livre était déjà très important et que on ne pouvait pas y ajouter ça. Mmh. Et donc, manifestement, il a écrit ce séjour à Londres. À mon avis, parce que c'est assez facile à dater quand on regarde le manuscrit, à mon avis, entre la fin de la rédaction de Voyage au bout de la nuit et le début de la rédaction de Mort à crédit. Voilà. Par exemple, à l'intérieur du manuscrit, il y a des feuillets qui sont écrits sur des ordonnances de médecine du dispensaire de Clichy où travaillait Céline à cette époque-là. Donc c'est pas très difficile à dater. Dans votre vie de passionné de Céline, auteur vous-même, libraire, oui. ça a été un moment, il y a eu un avant et un après, cet événement-là, pour vous. Ah oui, il y a un avant et un après, parce que si vous voulez, c'est l'émergence d'une partie de l'œuvre qui est, mis à part, encore une fois, Krogold et Casse-pipe, qui est inconnue. Si vous voulez, on savait qu'il y avait quelques chapitres de sur l'hôpital qui avaient été écrits, mais on savait pas précisément quoi. On savait pas Londres, personne n'en avait jamais parlé. Ouais, donc sûr. C'est vraiment une espèce de découverte absolument extraordinaire. Et puis en quantité, c'est très important. C'est-à-dire que ça représente quoi à peu près le volume, c'était l'équivalent d'une très grande table couverte de piles de feuilles. Voilà. Mais si vous voulez, simplement. Céline, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup écrit. Et ce qui ressort, c'est à peu près, en plus, 25% de l'œuvre connue. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et on a, il n'y a pas de d'exemple, de précédent d'une telle découverte pour un écrivain de ce calibre-là. Alors maintenant sur l'écrivain, oui. Qu'est-ce que vous aimez dans son écriture ? Je veux dire, je ne parle pas de l'homme, hein, je parle de l'œuvre. Alors moi je. En résumé, parce que je pense que vous pourriez m'en parler une heure. Mais... Alors voilà, si vous voulez, moi, si je suis tellement passionné par Céline, c'est que si on accepte le côté antisémite, c'est quelqu'un qui dit le monde exactement comme moi je le vois. C'est-à-dire avec à la fois un immense pessimisme et en même temps rire de ce pessimiste. C'est-à-dire c'est le monde est horrible, on peut se mettre à pleurer, c'est pas très intéressant, autant rire de cette horreur. Voilà. Et donc c'est quelqu'un qui exprime le monde tel que je le ressens et infiniment mieux que moi, je ne pourrais l'exprimer jamais. Parce qu'il a un vrai talent d'écrivain, c'est ça. Ça fait partie de nos grands écrivains. Ah oui, bien sûr, c'est un écrivain majeur. Mais majeur. Mais là, il n'y a pas très longtemps, à la fin de, au tout début du mois de janvier, Le Monde a publié une espèce d'enquête sur les 100 meilleurs livres, toute littérature confondue. Bon. Le numéro 1, c'est Harry Potter. Bon. Bon, c'est un peu embêtant, mais on peut supposer que c'est juste un moment. Oui. Le numéro 2, c'est Voyage au bout de la nuit. Ouais. C'est-à-dire que le livre le plus cité, si on accepte Harry Potter, qui est une mode du moment, c'est Voyage au bout de la nuit, pas, oui. Toutes les littératures confondues. Mmh. Voilà. Donc, si vous voulez, ça donne la mesure de l'écrivain qu'est Céline. Il tombe. Hein. Entre autres, voilà, on s'en souvient quand on a lu ces mots. Alors, ça nous renvoie quand même à une problématique toujours gênante, et on doit toujours vous poser la question, mais... Oui. Pourquoi pas de la séparation de l'homme, enfin de l'artiste, ou de la femme, et de l'œuvre. Alors ça renvoie par exemple à la problématique autour de Polanski. Même si les griefs ne sont pas du tout de même nature, comment vous vous positionnez, vous ? Est-ce qu'on peut admirer quelqu'un qui a été antisémite et collabo, et qu'on a retrouvé à Sigmaringen ? Il n'y a aucune séparation entre l'homme et l'œuvre. Aucune. Si vous voulez, Céline, c'est quelqu'un qui grandit dans un milieu antisémite, qui a été nourri à la petite cuillère d'antisémitisme et qui toute sa vie a été antisémite et il n'a jamais, par exemple après la guerre, dit je me suis trompé. Il a toujours dit j'ai eu raison trop tôt. Voilà, c'est ça son discours. Oui. C'est on ne m'a pas écouté, il fallait pas entrer en guerre, j'ai eu raison et après les événements m'ont donné tort, mais moi j'ai eu raison. Donc si vous voulez, moi je ne fais aucune différence entre l'homme et l'écrivain. Le problème c'est qu'il faut accepter les deux. Voilà, c'est-à-dire et c'est quand même, ça n'est pas facile. Pas j'imagine facile quand du même. Tout. Parce que si on partage pas ses idées, comment on arrive à pas faire la séparation ? Si j'ose dire, je vais employer une platitude, c'est le miracle de la littérature. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui arrive par son écriture, par son style... À transcender tout ça, c'est ça que vous voulez dire ? Oui. D'accord. Et on peut aller plus loin, et je sais que ça choque tout le monde, c'est que quand on lit Bagatelle pour un massacre, qui est un texte ignoble par certains côtés, vous avez aussi, dans ce texte-là, de très grandes pages. Des pages d'un très grand écrivain. Émile Bramillon se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Nilufer Nyangia Stabilize. Émile Brami, comment avez-vous participé à cette procédure qui a permis de remettre la main sur ces trésors ? C'est-à-dire, quel a été votre rôle, à partir de quelle étape ? Alors, il se trouve qu'à la toute fin du XXe siècle, j'ai acheté à la... J'étais donc libraire d'anciens, je travaillais sur Céline. J'ai acheté à la succession Tix et Vignancourt, qui a été l'avocat de Céline. Mmh. J'ai acheté ce qui s'appelait le dossier Céline. C'était un énorme dossier avec toutes les procédures auxquelles Tix et Vignancourt et Céline avaient participé. Bon, c'était beaucoup de paperasse, sans grand intérêt. Et à l'intérieur de tout ça, il y avait ce que moi j'appelle des petits dossiers périphériques. Et entre autres, il y avait le dossier de l'acteur Le Vigan. Et Le Vigan, dans une grande lettre manuscrite que je possède toujours, se plaint qu'un certain Rosembly a fait une perquisition chez lui et qu'il a embarqué tous les objets de valeur. Bon. Et à côté de ça, il y a des interrogatoires, donc les interrogatoires de Rosembly, l'interrogatoire de Le Vigan, et quelqu'un, sans doute, soit un des policiers, soit quelqu'un de la... du cabinet de Tixier, a rajouté à la main, comme chez LF, Louis Ferdinand. Ah, Louis Ferdinand. Comme chez LF. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai à peu près tout lu de Céline, donc je savais que certaines lettres accusaient nommément Rosembly. Je savais aussi que dans une version primitive d'un de ses livres, il accusait nommément Rosembly, et que, bon, dans des courriers aussi. Donc, je me suis dit que c'était peut-être une piste. À l'époque, donc j'ai fait la liste des Rosembly de France, et je leur envoyais à chacun une lettre. Ils étaient 160, en leur disant, bah écoutez, si vous avez des renseignements à me donner, donnez-les-moi. Donc j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit non, c'est pas moi, je sais pas. Et puis quelqu'un qui habitait dans la région de Metz m'a dit bah oui, et m'a donné l'adresse de sa cousine qui était Marie-Luce Rosembly. J'ai donc pris contact avec Marie-Luce Rosembly. Dont on a parlé dans le récit, effectivement. Voilà, qui est donc la fille d'Oscar, puisque Oscar est mort en 1990. Ouais. Et pendant deux ans et demi, j'ai téléphoné quasiment une fois par jour, enfin deux, trois fois par semaine au moins, à Marie-Luce Rosembly. Et certains de nos échanges m'ont laissé entendre qu'effectivement, elle avait des choses. Bon. Ouais. Mais il se trouve que Marie-Luce Rosembly, tel que je l'ai connu, hein, je ne l'ai jamais rencontré. Le seul à l'avoir rencontré, c'est Jérôme Dupuis. Marie-Luce Rosembly était une personnalité très, très, très curieuse, une femme très compliquée. Bah, son père était pas mal non plus. Hein. Oui, mais je pense que c'est très compliqué. Si vous voulez, elle m'a lanterné. Et puis, en plus, je lui donnais de l'importance. Et à partir du moment où si elle m'avait remis quelque chose, bah, cette importance aurait disparu. Donc, au bout de 3 ans, je m'aperçois que je n'en tirerai rien. Je connais très bien Jérôme Dupuis, qui est un ami, qui à l'époque était journaliste d'investigation à l'Express. Et je me dis que peut-être un journaliste d'investigation arriverait mieux à obtenir quelque chose de Marie-Luce que moi. Ouais. Donc Jérôme prend je lui donne les renseignements que j'ai, il prend le relais, comme moi il pense qu'elle a quelque chose, et comme moi au bout d'un an il dit tu sais on n'en tirera rien et on laisse tomber. Donc très très mécontent mais bien obligé, on laisse tomber. Et puis en 2016, il se trouve que j'appartiens à la société des études céliniennes comme Véronique Chauvin que je connais bien. Véronique Chauvin me dit dans la conversation qu'elle va aller en vacances en Corse à Corté où elle a une maison. Donc je dis ah ben c'est très très bien, essaye de prendre contact avec Marie-Luce Rosembly. Elle prend contact avec Marie-Luce Rosembly qui lui dit qu'elle a des choses, et d'ailleurs Véronique Chauvin en a témoigné depuis. Oui. Et la même chose. C'est-à-dire, on se heurte à un mur au bout d'un certain temps. Donc, moi, j'étais persuadé que Marie-Luce Rosemblie avait quelque chose, et j'étais persuadé que ça ne sortirait jamais. D'accord. Donc là, vous faites une vraie enquête, et puis il y a Thibaudat, donc, qui débarque. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant chez Thibaudat, c'est, effectivement, il les a gardés. Oui. Et on comprend assez bien la volonté des familles résistantes que la femme de Destouches, c'est-à-dire la femme de Céline, oui, hein, qui s'appelait Louis-Ferdinand Destouches, ne touche pas d'argent sur... pas sur une vie qui n'était pas recommandable. On peut les comprendre. Alors, on peut les comprendre, à une condition cependant, c'est d'accepter l'histoire Thibaudat. Alors, pourquoi vous dites ça? On peut ne pas l'accepter? Eh bien, pour moi, ça ne tient pas debout. Tiens donc, allez-y, dites-moi. Je vais tout à fait clair. Si vous voulez, ce que raconte Thibaudat, c'est que des résistants viennent faire une perquisition chez Céline pendant l'occupation, avant la libération de Paris. Mmh. Or, il faut savoir que l'endroit où vit Céline, c'est un tout petit village. Tout le monde connaît tout le monde. Il y a une concierge qui s'appelle Madame Bégoin dans l'immeuble. Mmh. Et il faut passer par Madame Bégoin si on veut rentrer. Donc, je vois pas comment, déjà, ces gens-là sont rentrés. D'accord. Ensuite, on est à la toute fin de l'occupation. Paris est à feu et à sang. Hein. Il y a des attentats partout. Il y a des patrouilles allemandes. Donc, il faut imaginer que ces gens-là, que Thibaudat présente comme des gens qui ne sont pas des gens cultivés. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent chez Céline et au lieu de prendre les choses qui ont de la valeur, ils prennent des manuscrits. C'est déjà très très étonnant. Oui. Il y a 300 kilos. D'autant plus s'ils ne vendent pas. Oui, oui, il y a 300 kilos de plusieurs valises. Donc, il faut se promener dans Paris pendant le couvre-feu. Mmh. Souvenez-vous, la traversée de Paris, Monsieur Jambier, avec des valises. Jambier. C'est ça. Avec des valises et risquer de se faire arrêter. Ouais. Ensuite, quand on fait de la résistance, un des points le plus important, c'est pas seulement de faire des actions, mais c'est de donner de la publicité à ces actions. C'est-à-dire, vous voyez, on est en train de résister, on se bat pour vous, etc. Or, pas un mot. Ouais. Il y a une presse clandestine très très importante à la fin de la guerre. Personne ne dit un mot. La première fois où on parle de cette perquisition, c'est il y a un an, Thibaudat. Et moi, j'ai fait des recherches, puisque on peut aujourd'hui consulter les journaux sur le site de la BN. Il n'y a pas un journal qui évoque cette perquisition. Merci beaucoup, Émile Bramy. Au revoir. Merci, au revoir. Et Affaires Sensibles, aujourd'hui, les manuscrits retrouvés de Céline, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur le site de France Inter, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Tiffany Battistel. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Sophie Bobert, Stéphanie Fromentin, Constance Villanova, Adrien Mora et Isabelle Maillot. Attachée de production, Rebecca Denante. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Lecture, Aurélien Labruyère, Alexandra Bensaïd, Béatrice Duguet et Sarah Guibaudot. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Céline Dila et Charles de Cilia.